Monologue. Une vente aux enchères à Fontainebleau. Écoutez. Cette année encore, vous organisez une vente aux enchères de vieilles voitures? Oui, notre vente de l'année dernière avait été très appréciée, ce qui nous a incité à recommencer. Quelles sont les pièces exceptionnelles qui seront proposées aux amateurs d'automobiles anciennes? Nous en avons plusieurs. Une De Dion Bouton vis-à-vis de 1900, une autre De Dion Bouton de 1910. Et puis? Une Bugatti Sport de 1920, une Rolls-Royce Silver Ghost de 1922. Répétez. Cette année encore, vous organisez une vente aux enchères de vieilles voitures. Oui, notre vente de l'année dernière avait été très appréciée. Ce qui nous a incité à recommencer. Quelles sont les pièces exceptionnelles qui seront proposées aux amateurs d'automobiles anciennes? Nous en avons plusieurs. Une De Dion Bouton vis-à-vis de 1900. Une autre De Dion Bouton de 1910. Et puis? Une Bugatti Sport de 1920. Une Rolls-Royce Silver Ghost de 1922.